Je suis garé juste avant une place de stationnement réservée aux livraisons. La signification du marquage est renforcée par ce panneau qui interdit le stationnement. Le panonceau indique que se garer ici est sanctionné par une mise en fourrière du véhicule. Pour ma part, je peux stationner ou m'arrêter là où je suis sans gêner quiconque. Réponse A et C.